chance de... Nous sommes le 24 juin 2015. Merci de vous réveiller avec France Culture et Un autre jour est possible. Votre réveil culturel. Dans un instant, on retrouve Frédéric Brun qui, depuis lundi, est sur les traces de Novalis. Et en deuxième partie, comme tous les mercredis, l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui, je reçois Vania Le Turc, une franco-belge qui sort aujourd'hui son premier film. L'année prochaine, on en parle tout à l'heure, aux environs de 6h15. La vie est le début de la mort. La vie est à cause de la mort. La mort est à la fois achèvement et commencement, séparation et rapport plus intime à soi. Et aujourd'hui, on va parler des années de révélation. Bonjour Frédéric Brun. Bonjour Tofik Hakem. On a parlé de l'enfance, de la formation universitaire de Novalis. Aujourd'hui, c'est le poète qui va s'affirmer. D'ailleurs, bonne question, est-ce le poète qui va s'affirmer en premier ou le philosophe quand on parle de Novalis? C'est le poète, c'est le poète. Malgré ces premiers fragments qui sont aussi bien poétiques que philosophiques, ces grains de pollen qui ont été publiés dans la revue l'Athénaeum. Mais je pense que sa première grande œuvre poétique est les hymnes à la nuit. Alors comment Novalis est arrivé aux hymnes à la nuit? Donc il a terminé ses études universitaires. Et il devient l'assistant d'un fonctionnaire de la région qui l'emmène à droite et à gauche pour aller percevoir les taxes. Et un jour, il part dans une résidence, dans un château, le château de Grüningen, où il rencontre une famille charmante et il découvre Sophie von Kuhn, dont il tombe immédiatement amoureux. Elle a 12 ans et demi. Il décide en un quart d'heure de l'épouser. Et ce quart d'heure, d'une certaine manière, va changer toute son existence. Pourquoi ce quart d'heure va changer son existence? Parce que Sophie, malheureusement, il ne l'épousera jamais. Et elle va disparaître, mourir avant son 15e anniversaire. Novalis a été très atteint par cette disparition. Il s'est enfermé, il a pleuré pendant de nombreuses journées. Et il est allé se recueillir plusieurs nuits dans le cimetière où elle a été enterrée. Et là, il a eu des espèces de visions poétiques. Et il a cherché dans les hymnes à la nuit et dans son journal intime, ouais. Dans son journal intime après la mort de Sophie, à cristalliser ses perceptions, ce qu'il a ressenti durant ces nuits mémorables. Et ce passage de cette existence lui a permis d'écrire une œuvre majeure, un poème en prose et en vers, dédié à la nuit, à la mort, à l'éternité. Pourquoi je vous ai dit également qu'il a été, on l'a considéré comme le premier poète qui a donné un sens poétique à la mort, qui a réussi à marier l'amour et la mort et la vie. Et dans cet esprit, les hymnes à la nuit restent une œuvre majeure. Le 13 mai 1797, le 56e jour après la mort de sa muse, Frédéric confie dans son journal intime « Au soir, je suis allé vers Sophie. Là-bas, je fus dans une joie, dans un bonheur inexprimable. Des moments d'enthousiasme fulgurant. La tombe devant moi, je l'ai soufflée comme une poussière. Les siècles étaient comme des instants. Sa présence sensible, à tout moment, je croyais la voir s'avancer devant moi. Oui, on est dans la métamorphose, hein. Oui, c'est le déclenchement d'un état d'esprit important pour Novalis, qui a été critiqué d'ailleurs aussi par les frères Schlegel, qui ont dit « Mais comment tu as pu tomber amoureuse de cette jeune fille, de cette manière, pourquoi ?» Novalis a dit du Sophie qu'elle était la clé de sa philosophie, qu'il n'avait pas pour elle de l'amour, mais de la religion. Je pense que c'est un amour qui n'est pas un amour terrestre, c'est un amour céleste. Elle représente sa muse. Ça a été renforcé par sa disparition, puisqu'il va dire un peu plus tard, Novalis, que pour celui qui aime, la mort est une nuit de noces, un secret de suave mystère. Oui, je pense que sa disparition a provoqué chez lui des sensations totalement nouvelles. Je pense que beaucoup de gens ont essayé d'analyser cet amour. Est-ce qu'il était si justifié? Parce que cette jeune fille, on a étudié sa vie. Elle faisait des fautes d'orthographe. Elle n'avait pas beaucoup de culture. Elle était encore totalement enfant, à 12 ans et demi. Donc, d'où est venu cet amour? C'est très mystérieux. C'est un amour, je pense, qui n'appartient qu'à Novalis et qui a fait partie de son chemin. Le chercher à l'analyser est un peu compliqué. Ich sage es jedem, dass ihr lebt und auferstanden ist, dass ihr in unserer Mitte schwebt und ewig bei uns ist und ewig bei uns ist. Ich sage es jedem, jeder sagt es seinen Freunden gleich, dass bald an allen Orten tat das neue Himmelreich, das neue Himmelreich. Jetzt scheint die Welt dem neuen Sinn, ist wie ein Vaterland, ein neues Leben nimmt man hin, entzückt aus seiner Hand. Entzückt aus seiner Hand, hinunter in das tiefe Meer versank des Todes Grauen, und jeder kann nun leicht und hehr in seine Zukunft schauen, in seine Zukunft schauen. Es kann zu jeder guten Tat ein jeder frische Grün, denn herrlich wird ihm diese Saat in schönen Fluren blühen, in schönen Fluren blühen. Er lebt und wird nun bei uns sein, wenn alles uns verlässt. Und so soll dieser Tag uns sein, ein Weltverjüngungsfest, ein Weltverjüngungsfest. Et pourtant, c'est très important pour comprendre Hymne à la nuit, dites-vous. Oui, ou peut-être que tout simplement, Novalis avait besoin d'une muse. Et Sophie a joué le rôle de cette muse. Alors, moi, sur les traces de Novalis, j'ai pu me rendre dans ce château où il a rencontré Sophie, qui est devenue une maison de retraite désormais, mais qui a gardé le charme de cette façade jaune et où existe encore le banc où il allait s'asseoir avec Sophie. C'est une petite trace qui est restée de leur amour. Et le cimetière, ce cimetière où il aimait se recueillir devant la tombe de Sophie? Alors sur les traces de Novalis pendant mon voyage, ça a été un moment très important, la visite de ce cimetière, parce que lui, ce cimetière n'a pratiquement pas changé. Novalis parle dans son journal après la mort de Sophie d'un portail blanc. Il y a toujours ce portail blanc. Il y a très peu de tombes et de stèles dans ce cimetière. Il y a toujours la plaque avec le nom de Sophie, avec le nom de Novalis. Et il y a comme une espèce de silence éternel qui règne encore, comme si c'était un petit endroit à l'abri du monde, à l'abri de la modernité. Et pourquoi il appelait ce cimetière le sanctuaire ? À cause de ses nuits de recueillement où il est allé après la disparition de Sophie. Et deux jours après la mort de Sophie, il écrit « Évanouis-toi, douce fleur printanière, Dieu t'a planté dans la vie meilleure, dans son sanctuaire d'amour éternel, tu seras notre joie inaltérée du ciel. » Sophie, donc, qui a inspiré ses vers, qui a inspiré son œuvre, et qui donc demeure la muse éternelle de Novalis. Elle a inspiré son œuvre jusqu'au bout de son œuvre, Frédéric Brun, ou ça fait partie d'une période de Novalis, de ses débuts poétiques. En tout cas, elle a inspiré, elle a formé le rapport à la mort de Novalis. Et ça, ce rapport est très important dans son œuvre. Elle a provoqué toutes les réflexions de Novalis sur l'éternité, la nuit, la mort, et ces thèmes sont sans cesse revenus dans ses livres, même si après il s'est éloigné de Sophie. En fait, la disparition de Sophie a révélé en lui une autre vision du monde, où le visible et l'invisible sont si proches qu'il lui devient nécessaire de dépasser la philosophie et la science. Comment ? Grâce à la poésie. Merci Frédéric Brun. Demain, suite de notre série sur les traces de Novalis, et demain on parlera des années de création. À demain. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Anytime, anywhere. It's the ghost that I fear. In the dead of night. In a silent sigh. I will disappear. Bring me down, bring me life. Hear the sound of the knife. Hear the words of my prayer. In the dead of night, in a silent sigh, I will disappear. I will disappear. Thank you. Bonjour Vania Le Turc. Bonjour. Votre premier film sort enfin aujourd'hui. Tout à fait. L'année prochaine. C'est un beau film sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Deux amis, Clotilde et Aude, 18 ans, quittent leur petit village de province après le bac pour monter à Paris, comme on dit. Et celles qui furent de nombreuses années les meilleures amies du monde vont apprendre que la vie est un peu plus dure et plus complexe qu'on le croit, puisqu'ils vont vivre la vie parisienne d'une manière diamétralement opposée, jusqu'à la rupture. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film, Vania Le Turc, sachant que c'est votre premier film? Et la question sous-entendue, c'est est-ce que c'est autobiographique, comme c'est souvent le cas? Disons que moi, quand j'écris, je pars toujours de quelque chose de personnel, de quelque chose que j'ai ressenti, qui m'a posé question, sur lequel j'ai envie de me pencher à nouveau. Et là, c'est vrai qu'il y avait deux choses. J'avais très envie de parler de ces histoires d'amitié comme d'une histoire d'amour, en fait. D'une amitié qui aurait la même force et d'une rupture d'amitié qui serait comme la première rupture amoureuse, en fait. À cet âge-là, avec cette immaturité qu'elles ont, cette non-connaissance de la vie, elles se sont construites vraiment en regard l'une de l'autre. Et le moment où tout ça se finit, c'est un grand bouleversement pour toutes les deux. Et puis, je voulais parler de ce moment charnière de la fin de l'école et du début des études. Vraiment de la fin de l'adolescence, du début de l'âge adulte, quand il faut prendre des tas de décisions extrêmement importantes, alors qu'on sait très peu de choses finalement, on a quelques vagues intuitions. Donc l'idée, c'était confronter cette histoire d'amour, enfin d'amitié fusionnelle, à ce moment charnière assez violent. Voilà. Mais l'idée de ma question, c'était de savoir si c'était autobiographique. Oui, c'est un petit peu autobiographique. C'est-à-dire que moi, je suis pas française, je vis en Belgique. J'ai quitté une petite ville de Belgique pour aller à Bruxelles. Après, le film n'est pas mon histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une scène du film qui soit une scène de ma vie. Mais je suis partie de ça. Je suis partie de... Quelques années plus tard, j'ai posé un regard là-dessus. Je me suis dit, tiens, je m'étais pas imaginé que partir de quelque part, c'était si violent, c'était si difficile, à la fois pour ceux qui partent, à la fois pour ceux qui restent. Et donc, c'est vrai qu'en partant, moi, j'ai perdu des lieux, j'ai perdu des gens, j'ai perdu des projections, des rêves que j'avais. Une certaine innocence. Oui, mais tout ça, ça m'a formée, tout ça, ça a fait la personne que je suis, et ça a contribué à faire de moi quelqu'un de plus libre, je pense. Et pourquoi avoir transposé l'histoire en France? Pourquoi elle quitte un village qui n'est pas d'ailleurs situé géographiquement pour monter à Paris? Je trouvais si ça... Si ça se trouve, elle descend d'ailleurs à Paris. Elles vont à gauche. Ouais. Elles viennent d'Alsace, en fait, on a tourné dans la région, à Strasbourg et dans la région. Je trouvais que l'histoire était plus forte si elle se passait en France. En fait, ça s'est décidé très tôt à l'écriture. Mmh. Moi, je suis belge, mais j'ai tourné quasiment tous mes courts-métrages en France. À chaque fois, c'était des coproductions entre les deux pays. Et donc c'est pour des raisons pratiques, se distancier un peu de votre vraie vie. Ouais. Non, c'est parce que vraiment l'histoire était plus forte si elle se passait en France, dans le sens où la Belgique, c'est tout petit. Quand on part de chez soi, on est toujours à une heure de train. Donc il n'y a pas de vrai éloignement géographique et il n'y a pas de vrai éloignement de mentalité non plus. Bruxelles, c'est une ville qui a un peu un gros village. Et moi, je voulais que cet éloignement soit plus violent, que ce changement soit plus fort. Et je trouve que Paris, c'est une ville qu'on peut ressentir de manière tellement différente. Moi, c'est une ville que j'adore, mais qui peut être aussi d'une grande violence, qui peut vous rejeter, qui peut vous accueillir. Et il n'y a pas d'objectivité de cette ville. C'est ce qu'on en fait et ce qu'on en ressent. Et on peut l'aimer comme on peut la détester. Et donc, le fait qu'elle quitte une province non identifiée française pour Paris, il y avait un vrai éloignement géographique. Elles ne peuvent pas rentrer chez elles tous les week-ends. Elles ne peuvent pas... Voilà, elles sont vraiment déracinées. Et puis, je trouve que Paris me permettait... beaucoup plus de possibilités dramatiques, en fait. Il y a de très jolis moments dans votre film, avant l'arrivée à Paris, quand vous décrivez cette vie de jeune en province. C'est quelque chose qui renvoie à une culture cinématographique typiquement française. Est-ce que c'est du... Vania Le Turc, c'est parce que vous avez vu tous les films de Téchiné quand vous étiez jeune, ou d'autres films, ou c'est quelque chose que vous avez vous-même ressenti d'une manière très profonde en Belgique, que vous vouliez restituer dans ce film? J'imagine que c'est un mélange des deux. Moi, je suis vraiment partie de souvenirs, d'émotions, de sensations qui étaient celles de ma jeunesse. C'est ces grands moments de liberté, ces moments où on s'oublie dans la danse, où on s'oublie dans l'alcool, où on s'oublie dans l'émerveillement d'un matin dans la campagne. Où tout est possible. Où tout est possible, ouais. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment ces moments de l'adolescence où on y croit. Et on a l'impression que le monde s'offre à vous et que tout est encore à décider. Et puis après, je peux pas nier que ma culture cinématographique, elle est assez française, oui, elle est assez francophone. Donc j'imagine que les deux L'année prochaine, c'est le titre donc du film, et on a compris le moment charnière de ce film, c'est-à-dire ce moment où il faut poser des choix quant à son avenir, découvrir un peu qui l'on est, mais aussi surtout décider ce qu'on veut devenir. C'est un moment crucial, exaltant. Comment on pense à ce moment-là quand il faut restituer ça à l'image, au cinéma? Est-ce que c'est un travail d'écriture? C'est un travail de répétition avec les comédiens? Est-ce que vous êtes aussi vous-même attiré par un certain cinéma naturaliste, Vania Le Turc? C'est un peu tout ça. Il y a des références cinématographiques, il y a des films qu'on a revus avec les gens de l'équipe, avec les comédiennes. Par exemple, alors qu'est-ce qu'on a vu? On a revu un film de Céline Sciamma, Tomboy, que je trouve d'une grande simplicité, mais d'une énorme justesse dans les émotions et dans les sensations. Je trouve qu'elle réussit à faire passer la chaleur d'un été par un plan sur des petits pieds d'enfant dans un couloir. Enfin, il y a vraiment des choses de cet ordre-là où je me disais si on peut aller vers le plus de simplicité possible, mais le plus de sensations. C'est ça que je cherche. Après, il y a un autre film qui est un film de référence qui est Black Swan. Parce que c'est un film qui est entièrement dans la tête d'un personnage, entièrement dans le suivi. Et moi, je voulais vraiment que la mise en scène, elle accompagne ces deux personnages, que le film soit une plongée dans ce que ces deux filles vivent et ressentent, sans recul, sans jugement, sans morale, sans détachement, d'être avec elles, d'être dans leur nuque, d'être dans leur dos, de les accompagner. Donc ça, c'est un film auquel on pensait beaucoup. Et je me suis un peu perdue par rapport à votre question, je pense. Non, vous avez très très bien répondu à la question. On peut même enchaîner à la suivante, c'est-à-dire les dialogues qui sont vraiment très bien dans votre premier film l'année prochaine. Alors, comment on travaille les dialogues? Comment on travaille? Parce que même si vous êtes jeune, vous avez quel âge d'ailleurs? Je viens d'avoir 32 ans. Bon, vous êtes très jeune. Et là, on a vraiment le parler, les hésitations du parler des jeunes d'aujourd'hui. Moi, je suis pas, je ne pense pas que j'écrive des mots d'auteur, donc j'écris des dialogues qui, pour moi, restituent l'idée de la scène, le but, là où ça doit arriver. Mais je dis très clairement aux comédiens dès le départ que s'ils veulent changer les mots, tant que l'intention est là, il y a quelques scènes où les mots pour moi étaient très importants. Il y a des moments où les mots avaient été choisis avec beaucoup de précision, et là je leur disais ce mot-là, je veux pas qu'on passe à côté, ou cette phrase-là, on la dira et c'est comme ça. Mais il y a d'autres moments où je disais vraiment à Constance et à Jenna, si vous avez d'autres mots qui veulent dire la même chose, moi, il y a aucun problème, je préfère que le comédien le vive, le ressente, et ça sera d'autant plus juste. Et donc il y a eu des moments où ça a un tout petit peu bougé, où elles se sont attribuées les choses. Après, je voulais pas que le film soit trop ancré dans une période précise et qu'il soit ringard dans 6 mois. Donc je voulais pas non plus d'en parler trop jeune avec des expressions branchées qui le seront très vite plus. Et donc c'était un juste milieu à trouver entre tout ça. Et comment vous avez travaillé avec les comédiens? On peut les citer d'ailleurs, puisqu'ils sont très bons. Constance Rousseau, Jenna Thiam, Julien Boisselier et Kevin Azaïs, qu'on commence à connaître maintenant. Oui, ben on a travaillé autant qu'on a pu avant le tournage, parce que vous aviez les moyens de pouvoir répéter? Non, les moyens, on s'est donné les moyens. J'ai eu des comédiens très disponibles et très agréables, et donc qui savaient le peu de temps qu'on aurait au tournage. C'était un tournage qu'on a fait en peu de jours. C'était un gros, gros rythme de tournage. Et donc, tout ce qu'on a pu faire avant, on l'a fait. Et en ce sens, c'était avec Constance et Jenna, c'était pas mal de discussions d'abord en amont pour être sûr qu'on se comprenait tout à fait, qu'on savait où on allait et qu'on était toutes d'accord. Et que j'allais pouvoir faire appel à ça sur le tournage quand on avait très peu de temps, que je savais qu'elles connaissaient le fil, le parcours de leur personnage. Et après, avec elles deux, on a beaucoup travaillé, pas forcément des scènes du film pour ne pas les épuiser, mais plutôt des scènes que deux filles qui auraient été amies depuis toujours ont forcément vécues. Donc on s'est dit, travaillons les scènes d'amitié, créons-leur un passé, essayons qu'elles aient des souvenirs. Et donc on faisait des impros autour de moments que ces deux amies ont forcément traversé, des discussions qu'elles ont forcément eues. Puis on discutait de tout ça. Moi, je filmais tout. Parce que j'ai besoin d'apprendre à connaître mes comédiens, j'ai besoin d'apprendre à les sentir, à connaître leur corps, à savoir ce qu'ils dégagent quand on les filme d'une manière ou d'une autre. Et voilà, tout ça s'est construit en amont. Et puis finalement, tout se passe réellement au tournage, en fait. C'est là que tout prend vie. L'année prochaine, c'est vraiment un beau film à voir aujourd'hui, puisque ça commence avec la fin de l'année, le début de l'été. Et c'est vraiment très, très fort. C'est une bonne entrée dans le monde du cinéma, des longs métrages. J'ai pas vu vos courts métrages, Vania Le Turc. Mais comment êtes-vous arrivé au cinéma? Par quel chemin? Par quelles envies? Ou par quel hasard de la vie? Pas de hasard, j'ai su assez tôt que je voulais faire ça, à 14 ans. Je me suis dit, j'ai un été où j'avais peur de m'ennuyer, j'avais loué un livre sur François Truffaut, je l'ai lu, et je me suis dit, mais voilà, c'est ça en fait que je veux faire. Ça devait être une biographie, quelque chose que j'avais trouvé à la bibliothèque près de chez moi, et je savais pas très bien ce que c'était un réalisateur. Je savais que j'aimais le cinéma et que ça m'attirait, et j'ai lu ça, j'ai lu son amour des films, son amour des acteurs, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Est-ce que je peux terminer cette interview en vous disant à l'année prochaine pour reprendre le titre de votre film? Vous êtes déjà sur un film? Je commence l'écriture d'un nouveau, oui, tout à fait. Oui. Bon, merci d'être passé ce matin. Merci à vous. Merci Vania Le Turc d'être passé ce matin. Je rappelle que votre premier film, l'année prochaine, sort aujourd'hui. Vous pouvez nous écouter tous les jours en direct à 6h du matin ou quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr ou directement, si vous êtes un adepte des podcasts, sur iTunes. On se retrouve demain à la même heure, toujours sur les traces de Novalis en compagnie de Frédéric Brun. Et en deuxième partie, je recevrai Sylvain Savoya pour sa dernière bande dessinée éditée chez Dupuis dans la collection Air Libre, Les Esclaves Oubliés de Tremblin. Bonne matinée et à demain.